Ils arrivent directement de l'Alcazar d'Aubenas. Eh oui, nous en des frais. Voici des duettistes. Tic et Cosme, les cosmétiques. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous devions vous interpréter quelques pages classiques de notre répertoire. Malheureusement, mon partenaire a oublié son costume. Mesdames, messieurs, je ne l'ai pas oublié. Pourquoi tu me fais honte devant tout le monde? On me l'a volé devant. Je l'avais attaché sur mon vélo. On m'a volé mon vélo. C'était un joli costume de prince que j'avais. C'est pour ça que mon camarade Roro, il est bien en roi, comme vous le voyez. C'est un roi de pique. Un roi de pique suédois. Alors moi, j'avais un joli costume de prince, avec les jolies culottes à manches courtes. Tant pailleté, ça coûte un prix fou, vous pouvez pas savoir ce que ça coûte cher. Nous devions vous interpréter des chansons folkloriques de Louis XI à Louis XIII. Sans passer par Louis XII, parce que Louis XII, ça coûte trop cher. Pas vrai, Roro ? Cet exemple. C'était beau. Ah, c'était beau. Les chansons qu'on devait vous interpréter. Oh, mère, j'aime fille d'Alain. File ta lèvre, il faut sauver le roi de France. Le palefrenier s'en va porter sa paille. Le palefrenier s'en va et la bergère file sa lèvre. Ça durait 2h30. On était aidé par le ministère des Beaux-Arts. Hein. Pas vrai, Roro? C'est exact. Pourquoi? Parce que ça avait de la classe. Puis on m'a volé mon costume. Alors à la place, on va vous chanter un pot pourri. Car heureusement, nous avons plusieurs cordes à nos arcs. Et voici donc quelque chose. On a tellement de cordes à nos arcs, c'est plus des arcs. Sont des harpes. Voici donc quelques chansons nouvelles et modernes. À la place. Et pour débuter ce pot pourri, voici de Adhémar et Louise. Adhémar et Louise. Et de Armand Darine, dans une mise en scène de Horace Stakwer. Oh, belle catarine, la belle. Voici donc, oh, Catherine, ta belle. J'ai jamais pu dire ce nom-là, c'est quelqu'un. Le début, ça va, mais c'est quand ça tourne. Il y a des noms comme ça qu'on peut pas dire. Ça me cripse. Je vais te donner le rythme. Oh, Catherine ta bella. Écoute, l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Je suis content, ça va. Plus tard, quand tu seras vieille, tu diras, baissant l'oreille. Surtout que c'était un beau vélo que j'avais. De la manufacture de Saint-Étienne. Si j'avais su dans ce temps-là. J'avais su dans ce temps-là. Ben, si j'avais su, j'aurais attaché mon vélo. Et voici dans un genre qui n'a aucun rapport avec le précédent. Voici de Adhémar et Louise. Et de Horace Stacquer. Combien que c'est pour votre chien dans la vitrine? Voici donc combien que c'est pour votre chien dans la vitrine de Louise. Dans celle de Stacquer. Je vais te donner le rythme. Combien que c'est pour votre chien dans la vitrine? Ouah, ouah! Combien que c'est pour votre chien si joli? Ouah, ouah! On veut l'emmener en Italie. Emporte ta couronne, tu finiras chez toi, non ?